Millennium 2. La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette. De Stieg Larsson. Traduction Lena Grumbach et Marc de Gouvenin. Adaptation Sophie Bocquillon. Réalisation François Christophe. Musique originale de Krishna Levy. Non. Non. Non! Appelez une ambulance, vite. Et la police. Mia, Dag, assassiné. Je crois que la nuit va être longue. Nous l'avons appris il y a moins d'une heure. Un couple a été abattu cette nuit à Stockholm dans le quartier d'Enskilde. Inspecteur Boglonski, extrême à l'appareil. Bonjour, monsieur le procureur. Je sais qu'on n'a pas trop la tête à ça, mais il faut qu'on discute du livre de Dag. Priorité maximum pour cette affaire. On vous affecte tous les moyens nécessaires. Dag Svensson était journaliste et travaillait pour Millennium. S'il a été tué à cause de son boulot, ça nous regarde. J'ai une info pour vous. On a trouvé plusieurs empreintes sur l'arme. Pouce et index, main droite. Je peux même vous dire qu'il s'agit d'une femme. Vous avez son nom ? Lisbeth Salander. Cinquième épisode. Sur ce bon étage. Oui, oui. Il est peut-être au tribunal. Ou parti au Brésil après avoir descendu le couple. On peut sonner chez le voisin. Atkinson. D'après la plaque, c'est aussi un avocat. Je te laisse faire. Bonjour. Bonjour. Je suis Sonia Modding et voici l'inspecteur Boblanski. Bonjour. Nous cherchons Maître Bjurman. Vous savez où on peut le trouver ? Ça fait un moment que je ne le vois plus. Il est tombé très malade il y a 2 ans. Il n'exerce quasiment plus. Qu'est-ce qu'il a eu comme maladie ? Je ne sais pas trop. Un cancer, j'imagine. Je ne l'ai pas vu pendant 6 mois et quand il est revenu, il avait pris 10 ans. Il était devenu tout maigre et ses cheveux avaient blanchi. Vous avez essayé à son domicile ? Personne ne répond. Pareil avec le téléphone. Désolé, mais je ne peux rien faire pour vous. Merci. Bonne journée. Où effacer ? Bollinger, t'as une idée ? Oui, il est à la commission des affaires sociales. Il sera un peu en retard. Bon, on commence sans lui. Alors, on en est où ? Maître Bjurman est introuvable. Il serait tombé malade il y a 2 ans et aurait arrêté de travailler. Modig, qu'est-ce qu'on sait sur lui ? 56 ans, aucun casier judiciaire. C'est un avocat d'affaires. J'ai pas encore eu le temps d'examiner son passé. Yerker, du nouveau ? L'arme du crime, c'est bien la sienne ? Sans aucun doute. Il a une licence et il est membre du club de tir de la police. Il en a même été le trésorier entre 84 et 92. J'ai parlé avec Gunnarsson, le président du club. Il le connaît très bien, mais depuis 10 ans, il ne s'entraîne plus vraiment. Il vient juste pour les assemblées générales, des trucs comme ça. Et personne ne sait où il est. On le cherche seulement depuis ce matin. Il est peut-être en déplacement, en vacances, à l'hôpital. Désolé pour le retard, mais ça valait le coup. J'ai des infos. Sur quoi ? J'ai passé la journée aux affaires sociales et à la commission des tutelles. Lisbeth Salander est une meuf totalement barge. Le tribunal l'a mise sous tutelle et devinez qui est son tuteur ? Maître Nils Bjurman, le propriétaire de l'arme. Elle a un dossier haut jusqu'au plafond. Je vous la fais courte. Violente depuis la maternelle, adolescence en HP, soupçon de prostitution. Une vraie psychopathe. Je me demande ce qu'elle fait en liberté. Finalement, peut-être que cette affaire va être facile à résoudre. Vous avez son adresse ? Elle habite à Lundagatan. D'après le fisc, elle a été salariée chez Milton Security, une entreprise de sécurité. Qu'est-ce qu'elle y faisait ? Je sais pas. Elle avait un petit salaire. Le ménage, j'imagine. Faut la retrouver rapidement. Fasté, Bolinder et toi, vous filez chez elle. Et vous essayez de l'accueillir. Soyez prudents. On ne sait pas si elle a d'autres armes et à quel point elle est timbrée. Entendu. Boublinski, je connais le patron de Milton Security. Il s'appelle Dragan Armonski. On peut lui faire confiance. Allez le voir et discuter avec lui de Salander. J'y vais. Modig, vous continuez à chercher Burman. On doit lui mettre la main dessus le plus vite possible. Ok. Il faut trouver le lien entre Salander et le couple assassiné. Voir si elle était dans le coin lors du meurtre. Yerker, récupère des photos d'elle à montrer aux voisins. Opération porte à porte. Prends quelques gars avec toi. Avec un peu de chance, on aura résolu ce merdier avant ce soir. Allez, c'est parti. Ah, une dernière chose. Les médias nous mettent la pression. Je vais tenir une conférence de presse à 15h. Mais de votre côté, pas un mot sur Salander et Burman. À personne, hein. Jusqu'à nouvel ordre. Ok. Bonjour. Dragan Armonski. Oui, c'est moi. Enchanté. Je suis l'inspecteur Boublinski. Nos deux noms se terminent pareil. Vous êtes d'origine russe ? Non, ma famille vient d'Arménie. Et vous ? De Pologne. Alors, vous vouliez me voir ? Oui. J'enquête sur le double meurtre d'Enskede. Le procureur Ekström m'a assuré que vous étiez discret. Dans mon métier, il vaut mieux. On va s'asseoir là-bas. Nous recherchons une personne que vous connaissez. Lisbeth Salander. Vous la soupçonnez ? Possible. Elle travaillait bien pour vous. Oui, en freelance. Je lui donnais du boulot de temps en temps. Ça s'est arrêté il y a un an et demi environ. Et quel genre de boulot ? Des recherches. C'est-à-dire ? Soyez plus précis. Des enquêtes sur les personnes. Attendez. Vous êtes sûr qu'on parle de la même personne ? La jeune femme qu'on recherche n'a aucun diplôme. Elle a été déclarée inapte, asociale et violente. Son dossier laisse entendre qu'elle se prostituait à la fin des années 90. Vous pouvez le mettre à la poubelle. Vous certifiez qu'elle est capable de faire un travail qualifié, de mener des enquêtes ? C'est la plus douée. Vous avez l'air sûr de vous. Vous connaissez son passé ? Sa mise sous tutelle, son enfance difficile ? Oui. C'est pour cela que je l'ai embauché. Comment ça ? Son ancien tuteur, Holger Palmgren, était l'avocat du vieux Milton, le fondateur de Milton Security. Il m'a persuadé de lui donner un travail. Je lui ai d'abord demandé de trier du courrier, de faire des photocopies. Et puis je me suis rendu compte qu'elle avait des compétences incroyables. Et la prostitution ? Des conneries. Lisbeth Salander a eu une adolescence chaotique, mais elle est incapable de se prostituer. Son nouveau tuteur s'appelle Nils Burman. Vous le connaissez ? Non. Quand Palmgren a eu une hémorragie cérébrale il y a 2 ans, Lisbeth a cessé de travailler pour moi. Vous l'avez virée ? Non. C'est elle qui a arrêté. Elle est partie sans un mot d'explication. Elle a voyagé à l'étranger pendant plus d'un an. C'est pas possible. Maître Burman a envoyé des rapports mensuels sur elle tout au long de l'année passée. Je ne sais pas quoi vous dire. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois ? Il y a environ 2 mois, début février. Et elle a surgi de nulle part pour prendre des nouvelles. Je ne comprends pas. Ça ne colle pas avec les infos que nous avons sur elle. Il y a beaucoup de choses qui ne collent pas quand il s'agit de Lisbeth Salander. Mais au fond, qu'est-ce que vous pensez d'elle ? Lisbeth ne ressemble à personne. Elle est inflexible, butée. Elle ne fait que ce qu'elle a envie de faire et elle se fout totalement de ce qu'on peut penser d'elle. Et vous la pensez capable de tuer 2 personnes de sang-froid ? Je suis assez pessimiste ou cynique, comme vous voulez, pour penser que tout le monde est capable de tuer quelqu'un. Par haine, par désespoir... ou simplement pour se défendre. Donc, elle en serait capable. Pourquoi vous la soupçonnez ? Ça restera entre nous. Je vous en donne ma parole. il y a ses empreintes sur l'arme du crime. Et l'arme appartient à Burman, son tuteur. Pourquoi elle aurait fait ça? Aucune idée pour le moment. Merci. Je vous reverrai si nécessaire. Et évidemment, si vous la voyez... Bien sûr, je vous préviens. Ah, une dernière chose. Vous savez si elle a des amis? Je ne sais rien de sa vie privée. La seule relation forte que je lui connais, c'est avec son ancien tuteur, Holger Palmgren. Il est en rééducation à Erst. Elle ne recevait pas de visite quand elle travaillait ici? Non, elle travaillait de chez elle. Elle venait juste pour me rendre ses rapports. Elle ne rencontrait jamais nos clients. Ah si, une fois. Elle a travaillé pour un journaliste il y a 2 ans, et quand elle est partie, il m'a appelé régulièrement pour avoir de ses nouvelles. Son nom? Michael Blomqvist. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est lui qui a découvert les cadavres à Enskede. Vous venez juste d'établir un lien entre Salander et les victimes. Excusez-moi, je cherche à joindre Maître Burman. Troisième gauche, ici c'est le deuxième. Je sais, il n'est pas chez lui, il ne répond pas au téléphone. Je ne peux pas vous aider. Je suis de la police. Nous le cherchons dans le cadre d'une enquête. Vous le connaissez? Non. Je sais juste qu'il est poli, bien élevé. C'est pas le cas de tout le monde. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? La semaine dernière, peut-être. Je suis pas sûre. Bon. Je vais laisser un petit mot sur sa porte. Si vous le voyez, dites-lui que la police souhaite lui parler. Au revoir, madame. Au revoir. Y a quelqu'un? Maître Burman? Maître Burman? Marre d'attendre que cette conne pointe son nez. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, la gardienne? Qu'une certaine Myriam Wu a été rajoutée dans le contrat de location. Refais voir la photo de Salander. Oh, quelle sale gueule! Les putes sont de plus en plus moches. Celle-là, il faudrait vraiment me payer pour que je la saute. Tu te la taperais, toi, Bollinder? Ça va, ça va. Allô? Oblanski, toujours personne? Rien. Vous ne bougez pas. Et si vous la trouvez, vous me l'amenez pour un interrogatoire. Même si pour le moment, Ekström ne veut pas faire le lien entre elle et le meurtre. Je viens de voir Armansky. Je vais faire un tour à Millennium. Ok. Encore un procureur qui veut des aveux avant d'inculper quelqu'un. Ah, oh, c'est pas possible. Ils vont nous lâcher. Allô? Ici Ekström. On vient de retrouver Burman dans son appartement. Tué par balle. D'après le légiste, ça fait au moins 24 heures qu'il est mort. Qu'est-ce qu'on fait? Je lance un avis de recherche nationale sur Lisbeth Salander. Maintenant, elle est soupçonnée de 3 meurtres. Faut la trouver. Fais le gaffe, elle est dangereuse et peut-être armée. Elle ne me fait pas peur. Ouais, je vous envoie quand même une brigade. On entre de force dans son appartement. Des nouvelles de Boublanski ? Il est en route pour Millennium. Il a coupé son portable. Essayez de le prévenir au plus vite. Qu'est-ce qu'on fait si Salander se pointe ? Si elle est seule et qu'il n'y a pas de risque pour les passants, vous l'accueillez. Si elle a le temps d'entrer dans son appartement, attendez des renforts. Fatigué ? Un peu, oui. J'arrive pas à chasser la vision des corps de Dag et de Mia. Tu penses que tu vas réussir à terminer le livre ? Il manque quand même tout le dernier chapitre. J'ai le brouillon. Et j'en ai tellement parlé avec Dag que je sais exactement ce qu'il voulait écrire. Il faut pas lui prêter des propos qu'il n'aurait pas tenus. T'en fais pas. Je présenterai ce chapitre comme une réflexion personnelle, signée de mon nom. Je raconterai comment Dag a commencé à travailler sur ce sujet, quel genre d'homme il était, et je citerai les passages de son brouillon. Ça tiendra la route. Et vous, vous avancez ? On a réussi à monter le prochain numéro en catastrophe. Ça part un peu dans tous les sens, mais bon, ça ira. Tu as écouté les infos ? Non, mais j'imagine très bien ce qui peut se dire. On ne parle que de ça, mais personne ne dit que c'est toi qui les as trouvés. Les flics vont tout faire pour le cacher le plus longtemps possible. Mais il y aura des fuites, inévitablement. Henri Cortez m'a appelé tout à l'heure. C'est un certain Ekström qui dirige l'enquête préliminaire. Il va tenir une conférence de presse à 15h. Je le connais. Une figure politique, cirque médiatique garanti. Cortez m'a dit que les flics étaient confiants. Ils ont des pistes, ils pensent que l'affaire sera vite résolue. Plus j'y pense, et plus je me dis que celui qui a fait ça ne peut pas être un dingue. Ce manuscrit est quand même un putain de mobile. Bonjour. Je suis Yann Boublanski, inspecteur de police. Je voudrais parler à Michael Blomqvist. C'est moi. Je sais que vous avez déjà été interrogé l'année dernière, mais je voudrais revoir certains points avec vous. C'est-à-dire ? Rappelez-moi le contexte de cette visite à Enschede. Je dînais chez ma sœur. Dag Svensson m'a appelé sur mon portable. Il voulait me filer des photos urgentes pour le journal. Comme j'étais pas très loin, je lui ai dit que je passerais en rentrant chez moi. J'aimerais avoir votre avis sur ce double meurtre. Vous avez une idée sur le mobile ? On se pose des questions. On allait publier un livre qui reprenait les recherches de Dag et de Mia sur le trafic des femmes en Suède. Et on avait des preuves qui mettaient en cause pas mal de personnalités. Des journalistes, des politiciens, des policiers. Le livre allait mettre en cause des policiers ? Entre autres, oui. Et vous avez l'intention de rendre publiques ces informations ? Pas dans l'immédiat. Nous le publierons quand nous saurons ce qui s'est passé. Et nous ne voulons pas saboter l'enquête sur le meurtre de nos amis, si c'est ça qui vous inquiète. Que savez-vous sur Lisbeth Salander ? Pardon ? Vous la connaissez ? Oui, pourquoi ? On veut l'interroger dans le cadre de ces meurtres. Comment vous l'avez connue ? Je l'ai engagé il y a 2 ans pour m'aider sur une affaire. Quelle affaire ? Une affaire qui n'a aucun rapport avec Dag Svensson et Mia Bergman. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois ? Il y a 1 semaine. Elle avait disparu depuis 1 an. C'est elle qui vous a contacté ? Pas du tout. Le hasard. Je l'ai croisée dans la rue et le temps que j'essaie de la rejoindre, un type a surgi et l'a agressée. Elle s'est défendue et elle a réussi à s'enfuir. Et ensuite ? Je l'ai cherchée, sans succès. Alors je lui ai écrit une lettre pour lui demander de me donner des nouvelles, pas de réponse. Tu m'avais rien dit ? Non. Vous avez signalé l'agression à la police ? Non, c'était à Lisbeth de porter plainte, pas à moi. Vous savez si elle avait des liens avec Dag Svensson et Mia Bergman ? À ma connaissance, aucun. Je dois vous avouer que j'ai un peu de mal à cerner le personnage. Comment vous la voyez, vous? Elle est à part. Différente. Solitaire, socialement repliée sur elle-même, mais volontaire, très volontaire, et dotée d'un grand sens moral. Moral? Oui. Une forme de moralité très personnelle et très manichéenne. Dans son monde, les choses sont soit bonnes, soit mauvaises. Il n'y a pas de demi-mesure. Mais qu'est-ce que vous pensez de son handicap social? Handicap? Quel handicap? Sa mise sous tutelle, ses problèmes psychiatriques. De quoi parlez-vous? Lisbeth Salander a fait des allers-retours en HP toute son adolescence. Elle a été diagnostiquée violente et inapte à la vie en société. Allô, oui. Et elle est soupçonnée de complicité dans un double meurtre. C'est pour vous. Un certain Hans Fasté. Merci. Allô? Ils font ça quand? C'est quoi déjà l'adresse? Ludagatan. D'accord, je ne suis pas loin, j'y vais. Je dois y aller. On vient de retrouver le tuteur de Lisbeth Salander, tué par balle. Elle est maintenant officiellement recherchée pour 3 meurtres. C'était Millennium 2 de Stieg Larsson. 5e épisode. Avec Christophe Raymond, Michael Blankvist, André Marcon, Yann Boublanski, Johanna Nizard, Sonia Modig, Alain Fromager, Richard Ekström, Philippe Bautier, Kurt Bolinder, Philippe Béraudeau, Hans Fasté, Miglen Mirtchev, Dragan Armansky, Alain Rimou, Nils Burman, Marie Payen, Erika Berger. Et les voix de Michel Rimbaud, Francine Bouffard et Netta Lando. Musique originale de Krishna Levy, interprétée par l'Orchestre National de France, dirigée par Didier Benetti. Prise de son musicale, Vincent Viltard, Cyril Bécu, Bruno Mourlan et Pierre Quintard. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc, Sébastien Labarre. Assistante à la réalisation, Marie Placet. Réalisation, François Christophe. Millennium 2 est publié chez Actes Sud dans la collection Actes Noirs, la musique de Krishna Levy aux éditions Amélie.